c'est le ministre, monsieur Yandel, monsieur de Hever, qui n'ont jamais travaillé dans une usine. Ils n'ont jamais travaillé dans les soins de santé. Ils n'ont jamais fait un métier dur. Aujourd'hui, disent aux travailleurs qu'ils doivent travailler jusqu'à 67 ans. Qu'ils aillent travailler dans un hôpital, qu'ils aillent travailler dans une usine pour savoir ce que c'est de travailler jusqu'à 67 ans. Aujourd'hui, on est des dizaines de milliers dans la rue pour dire non à leur réforme, pour dire non au vol de nos pensions. Pas touche à nos pensions! Beste vrienden, beste kameraden, we zijn hier met tienduizenden, we zijn hier meer dan 100.000 in de straat van Brussel, pour dire clairement Yann Yambon, pas touche à nos pensions, pour dire clairement Georges-Louis Boucher et compagnie, arrêtez d'augmenter les taxes, allez chercher l'argent où il est, chez les millionnaires, chez les valeurs et pas chez les travailleurs. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, hey. Beste vrienden, we zijn hier allemaal samen in de straten van Brussel om tegen Bart De Wever en Conor Rousseau te zeggen: handen af van onze pensioenen, handen af van onze index en stop met ons geld te steken in militaire avonturen. Investeer in onze pensioenen, in onze lonen, in onze openbare diensten. Handen af van onze pensioenen! Waar zijn de vrouwen hier vandaag? Vinden jullie het oké dat jij Jan Bol jullie langer wil laten werken? Tous ensemble. Allons ensemble. Tous ensemble.